Il est midi 55 minutes. Nous sommes le 30 janvier 2018. Merci de suivre la radio Isanganiro. C'est le moment du journal dont voici d'abord la charpente. Depuis Addis Abeba, le premier vice-président de la République espère que les relations entre le Burundi et le Rwanda vont se redorer vu que l'Union africaine va être présidée par Paul Kagame. Pour Gaston Sindimo, cette présidence est un atout, vous l'entendrez dans ce journal. Les hommes politiques de l'opposition en exil et ceux de l'opposition qui sont restés au pays se sont rencontrés à Nairobi pour parler des questions en rapport avec la crise burundaise en vue de trouver une issue. Et dans les dernières minutes de ce journal, vous aurez droit à la chronique santé qui nous parle de l'infection urinaire. Les manettes sont tenues par François Kimana. À la présentation de ce journal, vous retrouvez Alida Ndaikeza. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Parlons politique pour débuter avec ce journal. Le 30e sommet des chefs d'État de l'Union africaine s'est clôturé ce lundi. L'une des réformes qui a fait l'objet de consensus dans ce sommet est que l'Union africaine va désormais s'autofinancer dans ses projets sans attendre les financements étrangers. Sous le Burundi, le premier vice-président de la République qui a représenté le chef de l'État dit que le gouvernement du Burundi soutient l'idée du président de la Commission de l'Union africaine qui demande au Burundi de toujours privilégier la voie du dialogue pour résoudre leurs différends. On l'écoute. Vous savez, le président de la Commission de l'Union africaine a évoqué la question de dialogue. C'est ce qui a permis que le Burundi soit stabilisé aujourd'hui. C'est ce cadre de dialogue, de concertation que le président de la République a mis en place. La plupart des gens font allusion au dialogue inter-burundais qui se passe à l'extérieur. Donc c'est un petit détail par rapport au dialogue d'ensemble. Nous avons eu l'occasion d'exprimer au cours de cette réunion qu'aujourd'hui, le dialogue inter-burundais, la constitution que nous sommes en train d'amender, est le résultat d'un dialogue très large et consensuel qui a été mené à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays. Mais malheureusement, il y a certains qui ne sont pas satisfaits, et ce n'est pas aujourd'hui ou seulement, même demain, il y en aura toujours des gens qui ne sont pas satisfaits. C'est pourquoi nous prenons un dialogue permanent et chaque fois que de besoin. Donc, que ce soit le dialogue interne, mais aussi le dialogue avec les Burundais qui sont à l'extérieur, vous êtes prêt, il n'y a aucun handicap? Je ne trouve pas aucun handicap, d'autant plus que le dialogue est ouvert à tout le monde. Ce qui nous gêne, c'est qu'il y a certaines personnalités qui croient que le dialogue doit se faire entre certains individus. Je ne veux pas que ce genre de dialogue soit individualisé. C'est un dialogue pour la construction de notre pays. Ce n'est pas un dialogue pour telle ou telle personne seulement. Aujourd'hui, c'est le président rwandais Paul Kagame a été désigné pour succéder à Alpha Condé. Lors du précédent sommet, on lui avait confié la tâche de proposer des réformes dans l'Union africaine. Quelles sont les réformes qu'il aurait présentées au sein de ce 30e sommet? Au niveau des pays de l'Union africaine, nous allons devoir choisir le futur président une année avant. Donc, comme nous l'avons dit, je vous ai dit, le futur président de l'Union africaine sera le président de l'Égypte. Il y a aussi comment l'Union africaine devra dépendre de ses ressources et non pas de dépendre de l'Union européenne ou d'autres bailleurs. C'est pourquoi on a érigé une cotisation de 0,2%. Donc chaque pays devait payer 0,2% des importations. Et aussi, au niveau du financement, on a pu changer les mesures d'accompagnement pour gérer ces fonds. À propos des relations entre le Burundi et le Rwanda qui ne sont pas au banc fixe, alors que le président Paul Kagame a été désigné pour présider l'Union africaine pendant une année, Gaston Sindimo dit que cela pourra être un atout pour redynamiser les relations entre les deux pays. Il a été joint depuis Addis Abeba par Aubin Niyonkuru. Nous espérons bien parce que aujourd'hui il est le responsable de l'Union africaine, il est responsable de la bonne marche et la conduite des affaires de l'Union africaine. Et surtout, le respect mutuelle entre les États de l'Union africaine. Vous savez, il est aujourd'hui le garant du pacte et convention de l'Union africaine, donc il sera le premier à les mettre en exécution. Nous nous demandons que cela, et d'ailleurs, je pense que dans ses discours, il a promis qu'il va faire tout pour que l'Afrique soit maîtrisée et stabilisée. C'était le premier vice-président Gaston Sindimo, joint au téléphone par Oban Nyonguru depuis Addis Abeba. Parlons encore politique. Le ministère burundais de l'Intérieur considère que l'administrateur communal a les prérogatives de suspendre le mandat d'un conseiller collinaire en cas de besoin. L'assistant du ministère précise que le mandat prend fin définitivement avec la destitution par le conseil communal qui statue sur les accusations portées à l'encontre de l'intéressé, comme prévu par le code électoral burundais. Terence Naïraja réagit après que l'administrateur de la commune Mabayi en province de Chibitoke est destitué de chef de colline sans passer par le conseil communal. Il a été joint au téléphone par Alain Désiré Bukeyeneza. Comme vous le savez, sur la constitution burundaise, tout le monde est égal devant la loi. Si un responsable qu'il faut commet une infraction grave, il peut être suspendu temporairement. Les institutions compétentes peuvent analyser pendant la suspension s'il peut partir pour le bon ou bien revenir dans ses fonctions. Pour le cas de collinaire, si un chef collinaire commet une faute grave, l'administrateur communal a le droit de le suspendre temporairement en attendant que le conseil communal statue sur cette infraction. Mais en attendant, c'est le numéro 2 sur la liste électorale qui doit assurer l'intérim. Eh bien, si le conseil communal se réunit et qu'il trouve qu'effectivement la faute grave a été commise par le chef collinaire, il est déçu automatiquement. Et c'est le second qui, évidemment, devient le chef collinaire. Au cas où, justement, il trouve qu'il a été suspendu injustement, il reprend ses fonctions. Voilà comment dit la loi. En fait. Mais quand même, le code électoral prévoit que ces chefs de colline ou les membres du conseil collinaire sont destitués en cas de manquement grave et constaté par le conseil communal. Bien sûr, c'est clair, mais prenons un exemple d'un chef collinaire qui assassine une personne en flagrance, par exemple, le sommet de constitution d'une école et autres. L'administrateur ne veut pas attendre le conseiller. Il a le droit de suspendre temporairement le fautif pour casser le compte. Le second sur la liste assure l'intérim et à ce moment, il demande auprès du conseiller collinaire de convoquer le conseiller pour s'attirer sur le cas et envie de prendre une décision adéquate. Au niveau de l'association burundaise des élus locaux, ABELO, l'on précise que l'administrateur communal a les prérogatives de suspendre un chef collinaire en cas de manquement. Le sénateur Martin Niteretse, président de l'ABELO, considère cependant que le conseil communal doit confirmer ou infirmer la décision de l'administrateur communal. Captez Isanganilo, écoutez la différence. 13h03 à Bujumbura, le journal continue. Le recrutement des agents recenseurs des électeurs pour le référendum prochain s'est bien déroulé au niveau national, indique le commissaire à l'information au niveau de la Commission nationale électorale indépendante. Prosper Naogwamiye juge non fondé les plaintes de certains qui parlent que ce recrutement des agents recenseurs a été émaillé par le favoritisme. Suivez Prosper Naogwamiye, il a été joint au téléphone par Évariste Nzikobanyanga. Au stade actuel des choses, les activités préparatoires de l'enrôlement des électeurs avancent bien. Nous avons déjà mis en place les CPI, les CCI. Nous avons déjà identifié, validé le répertoire national des centres et bureaux d'inscription. Maintenant, au moment où nous parlons, nous avons déjà terminé le recrutement des agents recenseurs et leur formation. Bientôt, ça sera la distribution du matériel pour enrôler les électeurs et le début effectif de l'enrôlement. Donc, sur le plan global, la situation est normale. Dans certaines communes des provinces Chibitoke, Rumonge, il y a des plaintes comme quoi, dans le recrutement des agents recenseurs, il y aurait eu du favoritisme. Vous en êtes au courant, qu'est-ce que vous en dites? Nous n'avons pas été saisis formellement, mais à travers les médias, nous avons entendu ici et là qu'il y aurait eu quelques plaintes, mais en réalité, après vérification, ce sont des plaintes mineures qui concernaient certains agents qui ne seraient ni natifs ni résidents. Là où ça a été attesté, avéré, ça a été vite corrigé, mais le reste, vous comprenez très bien, c'est affaire de travail, il y a beaucoup de chômeurs, il y a beaucoup de demandeurs et très peu de places disponibles. Qu'il y ait des gens qui se lamentent, qui ne sont pas à l'aise, c'est tout à fait normal dans un travail de recrutement pareil. Des responsables politiques de l'opposition se trouvant au Burundi et ceux en exil au sein de la plateforme Sénared se sont rencontrés les 26 et 27 janvier à Nairobi au Kenya. C'était pour discuter des questions de l'heure et voir comment pourrait se terminer la crise au Burundi, comme l'indique le professeur Évariste Ngaïmenda, un des participants à la réunion. Il dit que l'opposition ne doit pas avoir des arguments différents pour la simple raison que les uns se trouvent à l'étranger et d'autres au Burundi. Pour lui encore, le dialogue inter-burundais d'Arusha peut avoir une nouvelle orientation en se déroulant réellement entre le pouvoir et l'opposition. Et concernant le référendum constitutionnel et les élections générales de 2020, il trouve que ce qui importe pour le moment n'est pas l'OTAN. Suivez-le, les propos ont été recueillis par Léonce Vitaliho. D'abord, ce projet de révision constitutionnelle, on voit que c'est une volonté d'en découdre définitivement, de faire oublier définitivement l'accord d'Arusha et gérer le pays sur d'autres bases et plus concrètement sur les bases totalitaires. Voilà pourquoi nous nous inscrivons en faux contre ce processus et nous allons plutôt articuler nos efforts sur la poursuite du dialogue pour que enfin la classe politique comprenne que ce projet de révision de constitution est un véritable projet contre-productif pour l'avenir de la nation burundaise. Et les élections générales de 2020? Bon, les élections générales, au niveau de l'opposition, ce qui importe, ce n'est pas l'échéance de 2020. Pour nous, ce qui compte, que ce soit avant 2020, que ce soit en 2020, que ce soit après, ce qui compte, c'est qu'on organise des élections réellement crédibles. Ce qui suppose qu'il faille d'abord améliorer le climat sécuritaire, revisiter le contexte légal, le contexte législatif de l'organisation de ces élections et surtout qu'il faille avoir au préalable une commission électorale nationale réellement indépendante. Mais en attendant, il y a le référendum constitutionnel qui est prévu en mai. Une fois la nouvelle constitution votée, ça va vous guider, vous aussi? Bon, l'accord d'Arusha a été signé sous un très large parrainage international, sous-régional, continental. Nous lançons un appel à l'ensemble de la communauté internationale, aux garants de l'accord, aux signataires de l'accord, pour qu'ils défendent cet accord qui, au-delà d'être un accord entre peuples burundais, est aussi un accord qui les engage parce qu'il y va de la paix et de la stabilité non seulement au Burundi, mais dans la sous-région. Nous leur lançons donc un appel pour qu'ils fassent fléchir le pouvoir de Bujumbura, pour qu'ils amènent à comprendre que ce projet de révision de constitution est un projet encore une fois contre-productif pour la cohésion nationale, pour la paix et la sécurité au Burundi. Évariste Ngaïmenda affirme également que l'opposition est unanime sur ce qui est l'issue de la rencontre de Nairobi, même s'il y en a certains parmi ses responsables politiques qui disent que Jean Minani, le président du Sénared, y a convié ce qu'il voulait. Écoutez encore une fois Évariste Ngaïmenda. Il n'y a aucune divergence entre le fait d'être à l'intérieur et le fait d'être à l'extérieur par rapport aux objectifs politiques que l'on poursuit. Il y avait tout simplement une espèce d'absence de dialogue qui faisait qu'on se regardait quelquefois un peu en chien de faïence parce qu'il y avait eu absence de communication. Maintenant que les ponts viennent d'être rétablis, je pense qu'il a été question de se rappeler les uns les autres et de redécouvrir effectivement que le destin nous est commun. Et ça devrait en fait faciliter l'avenir du dialogue et qui désormais devrait faire rencontrer d'un côté le pouvoir et de l'autre côté les opposants au pouvoir, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur. Mais il y a des responsables qui sont contre la façon dont a procédé professeur Minani à cette rencontre. Effectivement, on a lu un texte de quelques voix dissonantes, mais c'était carrément, je dirais, une initiative assez malheureuse parce que vous ne pouvez pas reprocher au docteur Minani de démarche unilatérale dès lors qu'il était entouré de l'ensemble de ses collaborateurs, à l'exception de sa première vice-présidente qui était dans une autre mission. Je pense que ce sont des voix dissonantes que d'ailleurs plus d'un a déploré, surtout à voir de quelle personnalité politique c'est venu. Et c'était des voix dissonantes qui sont exprimées pour d'autres fins que par rapport réellement à ce dialogue, que plus d'un on saluait, sauf d'ailleurs justement ces voix dissonantes. Je n'ai pas vu un autre seul Burundais qui a désapprouvé cette initiative. De son côté, le parti Sawanya Frodebou n'a pas répondu à l'invitation de cette rencontre qui s'est déroulée à Nairobi entre l'opposition interne et l'opposition externe. Frédéric Vambouguignon-Villa, président de ce parti, indique qu'il n'a pas reçu une invitation pour s'y rendre. On l'écoute. Je dis bien, le Frodebou n'a jamais été invité comme Frodebou. Je n'ai jamais eu de vue d'invitation à la rencontre. Mais à la déclaration finale qui a été sortie, on dit que le parti Sawanya Frodebou a été empêché. Quel est votre commentaire? Il faut poser la question à ceux-là qui ont produit ce document. C'est un mensonge tout simplement parce que le président du Frodebou n'a jamais eu d'invitation à la rencontre. Par conséquent, c'est une tricherie. On ne sait pas qui a organisé ça, on ne sait pas les intentions qui animaient ces gens qui ont convoqué cette réunion. Peut-être que la question est à poser à eux-mêmes. Un homme connu sous le nom de Wara Nyanga Emmanuel vient de passer 3 semaines dans le cachot de la commune Mutambo de la province Bujumbura. Il est enfermé sous prétexte qu'il n'a pas fait enregistrer sa femme et ses enfants à l'état civil. Les membres de sa famille indiquent qu'une amende de 100 000 francs burundais a été demandé à Emmanuel, mais il n'a pas encore payé. Les membres de sa famille demandent qu'il soit relâché, puisqu'un délai de 3 mois a été accordé aux couples qui n'ont pas encore légalisé leur union. Il est le deuxième homme à être au cachot sur la colline Bugongo suite à ces mêmes motifs, juste après la chronique santé. Radio Isanganiro, chronique. La chronique santé de ce mardi nous parle de l'infection urinaire, une maladie qui peut toucher les parties du système urinaire. L'infectiologue Martin Manilakiza indique que cette infection se manifeste souvent par des douleurs lors de l'émission de l'urine ou de la fièvre. Les personnes de sexe féminin sont les plus touchées par l'infection urinaire. Les détails avec Francine Ndeokubgayo. L'infection urinaire est définie comme étant une maladie qui touche l'arbre urinaire. L'infectiologue Martin Manilakiza fait savoir que les causes de cette maladie sont essentiellement liées aux bactéries qui pénètrent et se développent dans les voies urinaires. C'est une maladie qui touche ce que nous appelons en médecine l'arbre urinaire, qui commence par l'urètre et qui remonte jusqu'au niveau des reins. Les causes de cette maladie sont essentielles. Liées aux bactéries, surtout les bactéries qu'on a au niveau du tube digestif, c'est-à-dire au niveau des intestins. Et ce sont plusieurs bactéries. Le plus important, c'est une bactérie qu'on appelle Escherichia coli. Des brûlures ou des douleurs en urinant sont quelques-uns des signes de cette maladie. C'est quelqu'un qui va uriner plusieurs fois et il a envie de ne pas terminer et il a tendance à aller uriner plusieurs fois dans la journée. Et c'est aussi quelqu'un, quand il va uriner, il a des douleurs. Et c'est aussi quelqu'un qui a des douleurs du bas-ventre et qui a aussi des douleurs au niveau du bas du dos. Chez certains, il peut y avoir de la fièvre, des maux de tête, des douleurs articulaires et musculaires, d'autres signes, mais qui ne sont pas spécifiques de l'infection urinaire, peuvent se voir aussi. Il existe 2 types d'infections urinaires qui se différencient selon l'organe touché. Il y a l'infection urinaire basse, c'est-à-dire l'infection urinaire se limite uniquement au niveau de la vessie, et il y a l'infection urinaire haute qui remonte jusqu'au niveau de rein. Et cliniquement, on peut les différencier. C'est surtout en cas d'infection urinaire basse, la personne qui a l'infection n'a pas de fièvre. Tandis que l'infection urinaire haute, la personne qui a l'infection a de la fièvre. Cette maladie est plus fréquente chez la femme. Le docteur Martin Manilakiza explique. En premier lieu, c'est la femme parce que anatomiquement, la femme a ce qu'on appelle un urètre court et son urètre est proche de l'anus et les bactéries peuvent quitter l'anus facilement et vont aller au niveau de l'urètre et comme l'urètre est court, ils vont remonter facilement jusqu'au niveau de la vessie. Et d'autres personnes à risque, ce sont des diabétiques parce que leur immunité est abaissée. Et aussi d'autres personnes à risque, ce sont des hommes ou des femmes qui sont opérés au niveau de l'arbre urinaire. C'est aussi des personnes chez qui on a mis ce qu'on appelle une sonde urinaire ou autre manœuvre qui va aller toucher l'arbre urinaire. Les autres personnes à risque, c'est souvent les enfants de sexe féminin en premier et aussi de sexe masculin, parce que premièrement, leur immunité n'est pas assez solide pour combattre l'infection. Si elle n'est pas traitée à temps, l'infection urinaire peut se compliquer jusqu'à détruire complètement le rein. Nous y reviendrons dans notre prochaine chronique santé avec toujours l'infectiologue Martin Manirakiza. Merci à Francine et au docteur Martin Manirakiza pour cette chronique. C'est par ici que nous mettons fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis et bon appétit si vous êtes à table. Au revoir.